La maréchale riait avec Frédéric de ses mauvaises façons. Un dimanche, après dîner, elle l'amena derrière la porte et lui fit voir dans son paletot un sac de gâteaux qu'il venait d'escamoter sur la table afin d'en régaler sans doute sa petite famille. Monsieur Arnoux se livrait à des espiègleries côtoyant la turpitude. C'était pour lui un devoir que de frauder l'octroi. Il n'allait jamais au spectacle en payant, avec un billet de seconde, prétendait toujours se pousser aux premières, et racontait, comme une farce excellente, qu'il avait coutume, au bain froid, de mettre dans le tronc du garçon un bouton de culotte pour une pièce de 10 sous, ce qui n'empêchait point la maréchale de l'aimer. Un jour cependant, elle dit, en parlant de lui, « Ah, il m'embête à la fin. J'en ai assez. Ma foi, tant pis, j'en trouverai un autre. » Frédéric croyait l'autre déjà trouvé et qu'il s'appelait M. Oudry. « Eh bien, dit Rosanette, qu'est-ce que cela fait ?» Puis, avec des larmes dans la voix, « Je lui demande bien peu de choses pourtant, et il ne veut pas, l'animal, il ne veut pas. Quant à ses promesses, oh, c'est différent. » Il lui avait même promis un quart de ses bénéfices dans les fameuses mines de Kaolin. Aucun bénéfice ne se montrait, pas plus que le cachemire dont il a leurré depuis 6 mois. Frédéric pensa immédiatement en lui en faire cadeau. Arnoux pouvait prendre cela pour une leçon et se fâcher. Il était bon cependant, sa femme elle-même le disait. Mais si fou. Au lieu d'amener tous les jours du monde à dîner chez lui, à présent, il traitait ses connaissances chez le restaurateur. Il achetait des choses complètement inutiles, telles que des chaînes d'or, des pendules, des articles de ménage. Madame Arnoux montra même à Frédéric, dans le couloir, une énorme provision de bouillotte, chaufferette et samovar. Enfin, un jour, elle avoua ses inquiétudes. Arnoux lui avait fait signer un billet, souscrit à l'ordre de M. d'Ambroise. Cependant, Frédéric conservait ses projets littéraires par une sorte de point d'honneur vis-à-vis de lui-même. Il voulait écrire une histoire de l'esthétique, résultat de sa conversation avec Pellerin, puis mettre en drame différentes époques de la Révolution française et composer une grande comédie par l'influence indirecte de Deslauriers et Dussonnet. Au milieu de son travail, souvent le visage de l'une ou de l'autre passait devant lui. Il luttait contre l'envie de la voir, ne tardait pas à y céder, et il était plus triste en revenant de chez Madame Arnoux.